Mes chers amis, merci bien. Je vous demande pardon d'abord pour l'intervention mal traduite en français parce que c'est une traduction, pas moi-même. Mais je vous remercie d'abord aussi pour l'honneur de pouvoir faire l'intervention ici sur un sujet qui est vraiment très intéressant et sur un sujet qui est relativement mal connu. Ça veut dire les relations entre l'empereur et roi Charles et Aristide Briand. Laissez-moi développer quelques réflexions sur l'empereur Charles et Aristide Briand, deux grandes personnalités de leur temps. Leur histoire commune est aussi une histoire d'une alliance empêchée. Si cette alliance aurait eu succès, on peut bien supposer que l'Europe aurait eu un autre destin, mais de telles suppositions sont en principe interdites à l'historien. Or, cette histoire est une histoire d'un échec. Empereur Charles et Aristide Briand se sont touchés dans deux moments très sensibles. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant les tentatives de paix de l'empereur autrichien, et quelques années plus tard, en 1921, autour des tentatives de restauration en Hongrie. En principe, ils étaient des partenaires idéaux. L'empereur Charles, avec sa compréhension spéciale et sa relation avec la France, en plus son épouse Zita descendait de la famille Bourbon, et Aristide Briand, à cause de ses connaissances de la situation géopolitique au bassin danubien et sa force politique et visionnaire. Permettez-moi de commencer mes réflexions avec deux mondes de deux grands Français que j'admire par différentes raisons. Si l'Autriche n'existerait pas, il faudrait l'inventer. Ces mots proviennent de Charles Maurice de Talleyrand, le grand homme d'État qui a reconnu le rôle de l'État multinational pour ses peuples et nations dans le bassin danubien et dans la structure des puissances européennes. L'existence de l'Autriche était pour Talleyrand, et non seulement pour lui, une garantie contre une Russie pétulante et éternelle expansionniste. Et Anatole France, prix Nobel de 1921, disait sur l'empereur Charles « Personne ne va jamais me persuader que la guerre n'aurait pas été finie plus tôt. L'empereur d'Autriche a voulu la paix. Il était le seul homme honnête qui se trouvait à une place décisive pendant la guerre. Mais personne ne l'écoutait. Karl a voulu la paix honnêtement et pour ça, chacun le détestait. » Dès que les Allemands ont renforcé leur manière de faire la guerre des sous-marins illimités, l'empereur Charles a été décidé d'entrer en négociation en direction d'une paix avec la France. Après tout, l'Autriche luttait contre la Russie, la Serbie et l'Italie, mais un front direct avec la France n'existait pas. Il est vrai que les deux États étaient fixés dans leurs alliances ennemies, mais psychologiquement, cette différence était négligeable. Car le nationalisme français ne se dirigeait que contre l'Allemagne, laquelle, après la guerre de 1871, a occupé les provinces françaises Alsace et Lorraine. Contre l'Autriche-Hongrie, des rancunes insurmontables n'existaient ni dans le gouvernement, ni dans la population. Charles était prêt de sonder en direction de la France. Son beau-frère, Prince Sixte de Bourbon-Parme, frère de l'impératrice Zita, qui donnait son nom à l'initiative de paix la plus fameuse de la Grande Guerre, semblait d'être la personne idéale pour cette action. Au début de la guerre, le prince Sixte et son frère Xavier ont décidé de servir à l'armée belge car il n'était pas permis de servir leur patrie à cause de leur origine bourbonne. Prince Sixte était un homme politique et disposait d'une aisance sociale et diplomatique extraordinaire. En différents articles pour des journaux, il y a déjà pendant l'année 1916, il a déjà expliqué que l'avenir paisible de la région danubienne et la stabilité de l'Europe seraient assurés à long terme si l'Autriche se pourrait libérer de la tutelle allemande et si Vienne et Paris se rapprocheraient. À Paris, le prince Sixte possédait plein de contacts politiques excellents parmi eux aussi au premier ministre Aristide Briand. Les premiers fils de communication à travers les fronts commençaient au mois de janvier 1917, quand les deux princes Bourbon-Parme rencontraient leur mère, les parents, la famille Bourbon-Parme résidait en Autriche normalement. Quand ils rencontraient leur mère, la duchesse Maria Antonia de Bourbon-Parme, en Suisse. Elle leur apportait une lettre de son beau-fils impérial, dans laquelle l'empereur signalait sa forte volonté pour des négociations de paix. Aussi, les deux princes étaient préparés et ont exploré les revendications minimales de la France. Ensuite, plusieurs rencontres entre les deux princes et le négociateur de l'empereur, comte Erdődy, ont eu lieu en Suisse. Et le 5 mars 1917, les deux princes étaient la première fois en audience chez le président de la République Poincaré et lui informaient de l'initiative de l'Autriche. Président Poincaré en discutait avec son premier ministre Aristide Briand, qui a, selon son journal, a été alerté par la duchesse d'Uzès, qui lui a affirmé le tenir de source sûre. L'Autriche désire la paix, je puis vous assurer que ce n'est pas un vain mot. Deux jours plus tard, Poincaré résume pour Prince Sixte la position de la France. 4 conditions sont non négociables. La restitution de l'Alsace-Lorraine, le rétablissement de la Belgique, celui de la Serbie et l'ouverture de discussions avec la Russie, à qui Constantinople pourrait être cédée. On s'est accordé que Prince Sixte et Jules Cambon, un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay, devraient inviter l'empereur et son ministre des Affaires étrangères de faire parvenir l'offre de paix par un intermédiaire. Ensuite, Poincaré allait envoyer une lettre correspondante contre-signée par Aristide Briand au tsar de Russie, aussi par les deux princes Bourbon. Quelques jours plus tard, Sixte Xavier rencontre encore une fois en Suisse le comte Erdődy, qui les accompagne tout à fait secrètement en Autriche au château de Laxembourg pour discuter les détails avec l'empereur Charles. Et celui-ci écrit une lettre adressée à son beau-frère qui sera en vérité une lettre au partenaire français. Il y écrit entre autres: aussi m'est-il particulièrement agréable de voir que, bien que momentanément adversaire, aucune véritable divergence de vues et d'aspirations ne sépare mon empire de la France, et que je suis en droit de pouvoir espérer que mes vives sympathies pour la France, jointes à celles qui règnent dans toute la monarchie, éviteront à tout jamais le retour d'un état de guerre pour lequel aucune responsabilité ne peut m'incomber. À cet effet, et pour manifester d'une façon précise la réalité de ces sentiments, je te prie de transmettre secrètement et inofficiellement à M. Poincaré, président de la République française, que j'appuierai par tous les moyens et en usant de toute mon influence personnelle auprès de mes alliés les justes revendications françaises relatives à l'Alsace-Lorraine. Les justes revendications françaises, c'était un signal important en direction de la paix. Pour la France, c'était un des objectifs de la guerre le plus important. Charles, déjà pendant ses voyages dans sa jeunesse, a gagné l'impression que l'Alsace-Lorraine appartenait à la France. Prince Sixte alors présente cette lettre le 31 mars 1917 à président Poincaré. Mais il manque maintenant Aristide Briand pour discuter la proposition. Celui-ci n'est plus Premier ministre depuis le 19 mars. Et son successeur, Alexandre Ribaud, malheureusement, n'était pas un sympathisant de la chose autrichienne. Il refuse de discuter sur une proposition qui vient de l'empereur austro-hongrois. Cependant, le premier ministre anglais, David Lloyd George, est aussi en faveur de l'initiative de paix autrichienne. Il y voit une chance d'isoler l'Allemagne et de la mettre à genoux. Et le troisième part de l'entente, l'Italie. Au mépris des défaites militaires suivantes au front di Zonzo, l'Italie insiste aux revendications territoriales maximales, surtout à la région de Trieste. Mais aucun empereur aurait pu abandonner Trieste, le seul port marin de l'Empire. Et il manquait maintenant le grand supporteur d'une alliance austro-française, Aristide Briand, qui mettrait pression aux Italiens. L'empereur Charles était vraiment seul. Le 3 avril 1917, il rencontre à Bad Homburg l'empereur allemand Guillaume II et son état-major. Il y insiste à la nécessité d'une paix rapide, mais les Allemands sont persuadés que leur victoire est sûre. Charles est déçu par cette manière incompréhensive et affirme vis-à-vis de son épouse Zita sa volonté de négocier aussi pour une paix séparée. De toute façon, après la guerre, il voulait détacher l'Autriche de l'alliance avec l'Allemagne. À la fin, le prince Sixte avait essayé tout. Il finit avec les négociations le 23 juin 1917. Les négociations de paix ont subi l'échec. Il y avait, à part de ça aussi, encore d'autres initiatives, mais tout a subi l'échec à cause des revendications italiennes. Et 10 mois plus tard, la mission Sixte devient une affaire. Le ministre des Affaires étrangères autrichien, Konchanin, avait toujours joué un rôle louche. Il n'était pas du tout capable d'agir et de penser en phase avec son empereur. En avril 1918, pendant un discours à Vienne, il mentionne les négociations sur l'Alsace-Lorraine avec la France, bien qu'on ait accordé la plus grande discrétion. Et le premier ministre Clémenceau, il en est tellement irrité qu'il publie la lettre de l'empereur Charles au prince Sixte, qu'elle affronte à l'allié allemand des Autrichiens. Charles était forcé de rassurer aux Allemands de sa fidélité et avec ça, l'Autriche a perdu toute marge de manœuvre politique et diplomatique pour les derniers mois de la guerre. Aristide Briand note dans son journal sur l'action de Clémenceau le 12 avril 1918 « Voilà une imprévision qui nous coûtera cher, elle rejette l'Autriche dans les bras de l'Allemagne. » Nous entrons maintenant au deuxième chapitre de l'histoire de Charles et Aristide Briand, les tentatives de restauration en Hongrie. La chute de la vieille monarchie austro-hongroise se déroulait en novembre 1918. Les nouvelles États se constituaient, pleins de minorités nationales et trop petits pour se vivre. Le nationalisme a gagné. Un voyage de Prague à Zagreb nécessitait maintenant un passeport. Les liens économiques furent détruits ou aggravés par des frontières douanières. Pour l'Autriche, l'empereur, il n'a pas abdiqué, mais il a renoncé à sa participation au gouvernement. La famille impériale quitte le soir du 11 novembre le château de Schönbrunn et s'installe à Eckartsau, une propriété privée de la famille. Le 13 novembre, une délégation hongroise venait à Eckartsau et Charles signe une déclaration dans le même esprit que 2 jours avant à Vienne. Il était persuadé qu'il n'aurait pas le droit d'abdiquer. Pour lui, le couronnement avait une valeur énorme. Il a prêté un serment avant Dieu et il en était obligé. Il se sent pas du tout comme un politicien en retraite. Observateur attentif de tout qui se passe, il n'hésite pas à se mêler dans les développements. Des cercles nationalistes ainsi que des cercles socialistes étaient toujours en faveur d'un Anschluss de l'Autriche en l'Allemagne. Et Charles est toujours en contact avec Paris et Londres et entretient des correspondances avec les Alliés, aussi avec Aristide Briand, pour éviter l'Anschluss, qui serait la négation de l'œuvre historique des Habsbourg. En mars 1919, la famille impériale quitte l'Autriche après de plus de 600 ans. Avant de passer la frontière en Suisse, Karl signe le manifeste de Feldkirch, dans lequel il déclare qu'il ne va jamais renoncer à ses droits. En Suisse, il s'installe maintenant en position d'attente. Dans les prochaines années, la Hongrie tombe au chaos. En mars 1919, le communiste Béla Kun renverse le gouvernement qui était amical à l'entente. Il installe un régime de terreur brutal. Bien que les forces modérées et légitimistes arrivent quelques mois plus tard de renverser ce régime. Mais en ce cas-là, la terreur rouge est remplacée par la terreur blanc. L'Assemblée nationale adopte en février 1920 une constitution avec une construction unique. La Hongrie reste un royaume sans roi parce que le roi n'a pas abdiqué. Au lieu du roi, un Reichsverweser va régner jusqu'à ce que le roi peut revenir et reprendre le gouvernement. Reichsverweser peut être traduit comme administrateur suprême du royaume. Cette construction d'un royaume sans roi en Hongrie déclinée pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'ancien amiral de la marine austro-hongroise, Nikolaus von Horthy, voyait maintenant la possibilité de gagner le pouvoir et se laisse créer comme Reichsverweser. Vis-à-vis son roi, il commence à jouer double jeu. Déjà en novembre 1918, il a juré à Charles qu'il ne va pas avoir de cesse avant que le monarque ait rétabli dans ses droits. Et bien qu'il invite plusieurs fois le monarque de revenir dans sa patrie, il ne pense jamais à abandonner le pouvoir. Le roi en Suisse reste un problème intérieur et extérieur. En même temps, les alliés déclarent que le retour d'un Habsbourg en Hongrie serait une menace sérieuse de la paix. Apparemment, cette déclaration fut animée par la petite entente, ça veut dire la République tchèque et slovaque, la Roumanie et la Yougoslavie. Ça veut dire que ces États qui s'étaient formés de l'actif de faillite de l'Empire. Pendant cette période, Charles était déjà en contact avec Aristide Briand. Mais il hésitait encore chaque opération, car les traités de paix étaient toujours en négociation. À la fin, ce traité de Trianon fut signé le 4 juin 1920 et il était plutôt un diktat. Le pays a été diminué de 2/3. Avant, il y avait 20 millions d'habitants, maintenant que 7,5 millions. Des régions excentres pleines de populations hongroises ont été adjugées à la Roumanie, la CSR, la Yougoslavie. L'Italie reçoit Fiume, l'Autriche, le Burgenland. Presque tous les matériaux premiers étaient au-delà des frontières et un référendum a été interdit. Charles maintenant commence à préparer son retour encouragé par Briand. Encore une fois, son beau-frère Prince Sixte servirait comme intermédiaire entre Paris et l'exilé en Suisse. La France était au début des années 20 comme vainqueur de la Grande Guerre, un des États les plus puissants de l'Europe et Paris, sans doute, donnait le ton dans la grande politique. Briand a pris la mesure de conséquences des traités de Versailles, Saint-Germain et Trianon et se rendait compte qu'avec cela, on n'arriverait jamais à une paix durable. On a créé une Allemagne prussienne unie, puissante et vindicative comme voisin, mais on a détruit l'Autriche qui aurait bien soutenu la France. On risquait maintenant que l'Autriche s'unirait avec l'Allemagne et la Hongrie s'y attacherait qu'à entourer d'ennemis. Prince Sixte se souvient à l'entretien qu'il a mené avec Aristide Briand ensemble avec le maréchal Lyautey le 14 février 1921. Briand a dit « Si Charles revient maintenant en Hongrie et reprend son trône, nous allons avoir un fidèle allié à la France et l'Angleterre, et en plus nous allons avoir une princesse française comme reine d'Hongrie. Sans doute, l'Autriche va suivre bientôt. Maintenant, il est temps que l'empereur rassemble toutes ses énergies et ses forces et de les montrer. » Mais laissons parler aussi l'impératrice Sita, qui est la répentie la plus importante. Elle donna au protocole les contacts secrets avec Paris concernant une tentative de restauration commencé en été 1920. Il durait sans interruption jusqu'au retour de l'empereur en Hongrie en mars 1921. Bien que cette opération échouait, on a repris les contacts tout de suite pour préparer le deuxième retour en automne 1921. Un certain nombre de députés et de ministres donnaient l'expression de leur sympathie et en promirent leur soutien. Parmi eux se trouvaient aussi des socialistes qui se souvenaient à l'offre de paix de l'empereur de 1917, mais aussi des différents nationalistes qui étaient amers sur l'influence des nouveaux politiciens tchèques Beneš et Masaryk au Quai d'Orsay. En plus, encore un groupe des radicaux qui détestait la dictature militaire de l'admiral Horthy et aimerait au lieu de cette dictature plutôt une monarchie libérale. La relation la plus importante, la personne qui a soutenu l'empereur le plus décidé, et après janvier 1921, l'aide le plus puissant, était en effet Aristide Briand lui-même. Mais il n'a jamais laissé planer aucun doute que la restauration devrait réussir complètement avant que le gouvernement français pouvait déclarer son soutien au roi. Cette opinion, qui correspondait absolument des habitudes politiques et diplomatiques, a été comprise et acceptée par l'empereur. Elle était toujours, dès que le roi a pris le gouvernement à Budapest, nous le soutenons officiellement. Nous allons influencer les voisins de la Hongrie de rester calmes. Si l'essai de restauration chute, on ne peut rien faire. Il est absolument faux, continue l'impératrice Sita, que les soutiens de Briand auraient été d'une nature incertaine et indéfinie. Plutôt, il a contracté 7 engagements vis-à-vis l'empereur avant le premier retour en Hongrie. D'abord, la reconnaissance diplomatique immédiate du roi Charles dès qu'il a pris le pouvoir à Budapest. Des relations économiques immédiates. Des crédits d'État français immédiats à l'Hongrie. De l'aide militaire française au cas où le roi en aurait besoin dans le cas d'une agression extérieure. L'assurance qu'on ne va pas imposer des troupes françaises sans que le roi en a demandé. L'assurance qu'on va reprendre la question des pertes territoriales de l'Hongrie. Et l'assurance qu'on va empêcher les États voisins à des actions hostiles en cas d'urgence, on bloquerait les crédits français dont ils étaient dépendants. Ce qui concerne les dates de l'opération, c'était pas l'empereur Charles qui a poussé les Français, plutôt Aristide Briand et ses collaborateurs ont proposé d'agir en vitesse. Pendant une dernière conférence avec mes frères, M. Briand exclama « Qu'il rentre au plus tôt et nous le reconnaîtrons immédiatement ». Alors, les tentatives de restauration de l'année 1921 n'étaient pas des aventures mal préparées sur le plan diplomatique. Il s'agissait d'une opération qui a été concertée, certes seulement verbale, mais minutieuse avec deux hommes d'État français, dont le Premier ministre lui-même. Alors, l'entreprise commençait le 24 mars 1921. Charles se rendait seul et secret de Prangin en Suisse, à Strasbourg. Il monte en train et voyage incognito à Vienne, où il sera attendu par comte Erdődy, qui l'accompagne en Hongrie chez des fidèles amis. Le 27 mars, Charles surprend son Reichsverweser Horthy et lui demande de lui donner le pouvoir. Horthy renonce. La discussion dure 2 heures pendant lesquelles Horthy refuse de démissionner. Charles reconnaît qu'il était une faute grave de venir sans aide militaire. Il est profondément touché par la trahison de l'admiral Horthy qui invente tant d'excuses pour rester au pouvoir. Aussitôt que Charles a quitté le palais royal à Budapest, Horthy se renseigne immédiatement chez le haut-commissaire français Maurice Fauché sur les garanties françaises. Bien sûr, le côté français niait maintenant les accords. Charles a dû retourner en Suisse. Dans une lettre à Briand, il lui explique l'indiscrétion de Horthy. Et Briand maintenant maintient quand même ses garanties et reste en faveur d'une restauration en Hongrie. Pour la deuxième fois, Charles ne voulait pas répéter la faute et retourner sans force militaire. Ses amis en Hongrie organisent les troupes sous le commando du colonel Dehar. Et il décide d'y aller avec son épouse Zita, le 21 octobre, le jour de leur mariage. Charles et Zita se sont loués un avion avec lequel ils se rendent de la Suisse en Hongrie. Mais encore une fois, l'entreprise était vouée à l'échec. Mal préparée, la présence du roi dans le pays devient très vite publique. L'arme la plus puissante, la surprise, n'existait plus. Et bien que la population est enthousiaste et que les journaux crient la victoire, Horthy n'hésite pas à provoquer une guerre civile. Après quelques échanges de feu, Charles baisse les bras. Il ne voulait pas laisser saigner ses compatriotes hongrois. À la fin, aussi son soutien, Aristide Briand, se désolidarisait de Charles devant la conférence des ambassadeurs. La conférence décida de livrer Charles à la flotte danubienne britannique qui était stationnée ce moment à Budapest. L'échec de cette deuxième tentative de restauration était la fin politique de l'empereur Charles, mais la tentative lui en or. Aucun membre des dynasties détronisées en 1918 a essayé de regagner le trône. C'était un final digne d'une des plus importantes dynasties de l'Europe. L'empereur fut banni avec sa famille sur l'île de Madère. Il est décédé totalement affaibli le 1er avril 1922. Les derniers mois à Madère, il a encore développé ses idées pour une constitution de l'Autriche et des autres pays du bassin danubien. Karl avait un savoir apocalyptique des événements futurs. Il prévoyait de ce qui va se passer si le bassin danubien restait déchiré. Pour lui, cette région était une unité naturelle dont la destruction après la Grande Guerre menait à d'autres catastrophes. De son exil en Suisse et de Madère, il appelait sans cesse pour une confédération économique des États danubiens. Seul sur ce chemin, des choses pires pourraient être évitées. La constellation politique en Europe était déséquilibrée. Charles prévenait d'un renforcement de l'Allemagne et débordement du bolchevisme de Russie en Europe centrale. Dans la même année de la mort de l'empereur, en novembre 1922, le jeune comte Richard Kuhnhauve-Kalergi publie dans le journal viennois Neue Freie Presse un article Pan-Europa, une proposition. Kuhnhauve était aussi originaire de la vieille monarchie, de cet état multinational. Son père était diplomate austro-hongrois, sa mère une princesse japonaise. Il savait des avantages et bénéfices de cette construction basée sur la tolérance aux autres peuples et religions. Pan-Europe, ça veut dire seulement une Europe unie a une chance d'être une forte puissance de paix dans le monde. Ni le nationalisme ni le communisme seraient les stabilisateurs de notre continent. Kuhnhauve-Kalergi a vite trouvé des combattants pour son idée, de nombreuses personnes culturelles et politiques, par exemple en Allemagne Gustav Stresemann et en France Aristide Briand, qui était président d'honneur de l'Union pan-européenne pendant les deux guerres. Et c'était Briand qui, sur les instances de Kuhnhauve-Kalergi, propose devant la Société des Nations à Genève la création d'une fédération des nations européennes en 1929. Déjà dans les années 30, le fils aîné de l'empereur Charles, Otto de Habsbourg-Lorraine, prend contact avec le fondateur de l'Union pan-européenne. Leur collaboration se manifeste pendant les années de l'exil aux États-Unis. Retourné après la guerre en Europe, Otto de Habsbourg se concentre sur l'Europe. Avec Kuhnhauve-Kalergi, il est militant pour une Europe unie et forte. Et après la mort du grand visionnaire, Otto de Habsbourg lui succéda comme président international de l'Union pan-européenne. Comme ça, il a adopté exactement l'héritage de son père et de ses ancêtres, d'être en service de ses peuples, en service du paix et de l'Europe. Merci.